Offspring sur RTL2. Grégory Hacher et Justine Salmon. Bon réveil avec le double expresso RTL2. Bon réveil, bon courage, bon début de journée. On est très très heureux de partager avec vous cette 458e édition. Alors évidemment, on va faire les foufous ce matin, mais c'est un 13 novembre et c'est vrai que c'est une journée un peu particulière, forcément. Toujours. Depuis 3 ans avec ces attentats. Et on pense évidemment aux victimes, aux familles de victimes. On ne peut pas commencer une émission un 13 novembre sans évoquer ce drame et qui nous a évidemment tous touchés. C'est malheureusement maintenant obligatoire. Exactement. Ouais. Ce qui est obligatoire évidemment quand on est sur RTL2, c'est de profiter du son pop rock. Et puis alors, vous le savez, parce que vendredi, c'est l'événement. C'est peut-être le deuxième plus beau jour de la vie de Justine après sa première rencontre avec Vanessa Paradis dans le Drive. Vanessa sera là, Justine. C'est vrai que cette année est pas mal pour moi. Est-ce que t'as prévu de t'habiller de manière spéciale? Non, je pose la question. Je compte pas draguer Vanessa Paradis. Je suis contente de l'avoir, c'est tout. Est-ce que quelqu'un a dit ça? Vous êtes témoin? Non, je n'ai absolument pas dit ça. J'ai demandé, est-ce que tu serais capable de lui dire, Vanessa, quand vous avez écrit cette chanson? Mais tu sais que j'ai annulé un apéro exprès pour être vraiment en forme vendredi matin. Ah oui, quand même. Ça va loin. Je n'ai pas d'argument. C'est de la passion. J'ai annulé un apéro exprès pour être en forme vendredi matin. Parce dans tous les cas, il faut l'être. Pour l'émission, elle s'en fout. C'est incroyable. Mais il y a Vanessa. Ce sera vendredi. Vanessa Paradis sera dans le double expresso à partir de 8h. Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. Laying on the bathroom floor, feeling nothing. I'm overwhelmed and insecure. Give me something I could take to ease my mind slowly. Just have a drink and you'll feel better. Just take her home and you'll feel better. Keep telling me that it gets better. Does it ever? It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. I'm crawling in my skin. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. Phone again, feeling anxious, afraid to be alone again. I hate this. I'm trying to find a way to chill. Can't breathe. Oh, is there somebody who could help me? It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. It isn't in my blood. I need somebody now. I need somebody now. I need somebody now. Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. In My Blood dans le double expresso RTL2, évidemment l'horoscope, le winner du jour et le tube de la brosse à dents au 32-28, et puis la première info expresso du jour, Justine. Et bougez pas, dans un instant on vous donne une recette sympa pour sauver la planète, on en a bien besoin. D'accord, on va sauver la planète avec Justine. On va aider en tout cas. Dans le double expresso RTL2, depuis Julien Peretta. Voilà qui donne le sourire dès le matin, Wonder Why dans le double expresso RTL2. Bonjour, il est 6h10. RTL2 a été la première radio en France à jouer ce titre d'Imagine Dragons. Tom Walker. Blame.

Maybe recreate the times you were shy but happy, and we were fine and dandy. Take a deep breath and rewind. Bite your tongue and let it slide. Got to see a doctor. Maybe that will shock your love. Don't die, no. Especially when it penetrates and leaves you blind and shaky, mad and reckless. Got you feeling breathless. Here we go. Sur RTL2. L'info expresso RTL2. Alors, elle veut sauver le monde, elle veut sauver la planète. Elle, c'est Justine Salmon. Je veux contribuer en tout cas, oui, comme vous. C'est bien. Je vous parle ce matin d'une application aussi intelligente qu'utile. Elle s'appelle WAG, We Act For Good. WAG pour les initiales. Tout à fait. Cette application a été lancée par l'ONG WWF. Donc l'objectif de WAG, c'est vous aider, nous aider à mieux se nourrir, à mieux se déplacer. Vous avez en fait plein de conseils pour réduire votre consommation d'eau, par exemple, pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, mais le tout sous forme de jeu. Vous avez une évolution de points, de pourcentage en fait. Donc vous avez plusieurs, vraiment c'est hyper simple. J'ai téléchargé l'application hier, c'est vraiment très simple. Il y a 500 défis dans l'application qui tournent autour de 5 thèmes. Donc en fonction du lieu aussi où vous vous trouvez, c'est géolocalisé. Donc vous pourrez trouver des magasins, des restos bio proches de chez vous pour acheter local. Ça par c'est exemple. Pour le bien manger. Pour donc, le du bien coup, manger. T'as testé, t'as commencé par ça. Et le bien manger, bah, c'est le premier. Il y a, ah oui, il y a aussi vers le zéro déchet, il y a se déplacer, optimiser l'énergie et do it yourself. Voilà. D'accord. Et sachez que la France est pilote pour le projet. Après, la plateforme va se lancer en Chine, puis en 2019 dans tous les autres pays. Ah, on est starter. On est les premiers. Ah, c'est donc bien, il faut ça. Montrer l'exemple. On rappelle le nom WAG, WAG, oui, qui sont les l'acronyme de We Act For Good. Et c'est avec WWF, la fameuse association évidemment qui défend la planète et les animaux. Je vous invite à télécharger l'application et puis on peut se donner des défis chacun. Ça peut être rigolo. Ah bah oui, tiens, on va réfléchir à ça. Tiens. comme ça, 6h20. Ça peut être marrant. On poste ça, vous aussi réfléchissez à des défis et on verra ça ensemble entre auditeurs et animateurs. Oh, ça va être foufou, on va sauver le monde. On va se poiler. Non, on va sauver le monde, on va pas se poiler. Oh, enfin bon. On peut faire les deux. Voilà. Louis Lewis and the News, Power of Love dans le double expresso RTL2, juste avant votre horoscope. Le futur. Alors là, vous allez voir l'enchaînement professionnel. Comme on parle cinéma, n'oubliez pas que tout à l'heure, à l'occasion de la sortie du film Les Animaux Fantastiques, les crimes de Grindelwald, on vous offre un iPad pour le tube de la brosse à dents RTL 2. Ce sera 6h45. Un iPad d'une valeur de 409 euros, voilà. Tout de même. Avec Bruce Springsteen. Allez, 6h23, l'horoscope, médaille de bronze pour commencer avec les Capricornes, Greg. Ne laissez pas la fatigue vous abattre. Et les Verseaux? Vous ne vous êtes pas levé du bon pied ce matin. Et les Poissons? Attention à ne pas être trop paresseux. Médaille d'argent maintenant pour les Béliers. Les Béliers, votre sens de l'humour en séduit plus d'un. Taureau. En ce moment, tout va comme sur des roulettes chez vous, profitez. Les Gémeaux. Vous avez de très bonnes idées, il faut les mettre à exécution. Les Cancers. Votre journée sera rythmée par de bonnes nouvelles. Lion. Vous faites beaucoup d'efforts et votre entourage le remarque. Vierge. Aujourd'hui, tout vous sourit, vous allez passer une belle journée. Les Scorpions. Vous êtes très efficace au travail, il faut continuer sur cette lancée. Sagittaire. Un proche vous fera une très belle déclaration aujourd'hui. Et puis médaille d'or aujourd'hui pour les Balances. Exactement, Juju. La Balance, elle a la vie qui est jolie. La vie est belle, vous en profitez comme il se doit, j'adore. Bah oui. Imagine Dragons, Whatever It Takes dans le double expresso RTL2. Merci d'être là. Il est 6h24. Falling too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling as vultures. Negative, nepotist. Everybody waiting for the fall of man. Everybody praying for the end of times. Everybody hoping they could be the one. I was born to run, I was born for this.

Complicated sur RTL2. Le double expresso RTL2, le winner du jour. Une winneuse donc, oui. Ce matin, trouvée sur 20minutes.fr. Bon, vous le savez, dimanche, c'était le 11 novembre, c'était les cérémonies pour fêter les 100 ans de l'armistice. Oui. Là, très belle cérémonie, tous les chefs d'État étaient présents en France. C'était émouvant. Ouais, c'était vraiment bien, c'était réussi, il faut le dire. Et notamment Emmanuel Macron et Angela Merkel qui se sont rendus à Retonde dans l'Oise, hein, c'est vers chez Jonathan Daniel, une ville où a été signé l'armistice. Alors les deux dirigeants sont allés à la rencontre des spectateurs, du public, des Françaises et des Français qui sont venus les voir. Et parmi eux, se trouvait une dame âgée de 101 ans, très impressionnée par la venue du président. Alors elle a été émue, elle a échangé quelques mots avec Emmanuel Macron. Et puis elle s'est tournée vers Angela Merkel. Et c'est là où elle est notre winneuse du jour. Mais c'est une belle histoire évidemment et ça colle à l'actu. Elle lui demande, vous êtes Madame Macron? Elle est trop touchante. Alors tant bien que mal, la chancelière allemande a essayé de se présenter en français. Non, je suis chancelière Allemagne. Je peux faire mon accent allemand. Je suis content. Bon, évidemment, Angela Merkel n'a pas cette voix. Et une femme accompagnant les deux chefs d'État est venue à sa rescousse, se chargeant d'expliquer à cette dame de 101 ans qui était réellement Angela Merkel. Et la séquence s'est conclue par une photo d'Emmanuel Macron et Angela Merkel avec cette dame de 101 ans. C'est choupinou. Franchement, j'ai vu la vidéo, c'est mignon. C'est mignon. Ouais. Il y a une vidéo qu'on vous postera sur la page Facebook du Double Express. Mais quand elle va montrer la photo à sa famille, à mon avis, elle va dire, regardez, j'ai vu Chirac et Bernadette, ils sont pas sympas. Ça sera déjà passé à autre chose. Hey, c'est pas complètement faux, mais on peut pas lui en vouloir, je trouve. Non, ça non, mignon. Non. C'est notre menace du jour, elle est déjà sur nos réseaux sociaux. Voici Muse, Uprising sur RTL2. Another scene, another

réveil avec le double expresso RTL 2. Le son pop rock. See this calm. Can you hear the sound? The sky is crying. My love, my love. Oh, your love keeps me in chains. Just like the river, I come back again. Oh, your fear keeps me right here. You'll be the arrow, the arrow. This love was begging to feel the same, but you gave me nothing. I'm here again, the sky is crying above, above. If you told me then what I know now, I'd be long gone, but I'm here somehow. Can you hear the sound? The sky fell down on us, on us. Don't you need this no more? Are you strong enough, strong enough to lose it, to fool yourself? So hard to understand. Guess I didn't want to change this whole. Hero sur RTL2. RTL2, le tube de la brosse à dents. Il a un prénom américain pour rencontrer le plus américain des Français. C'est Steve. Bonjour Steve. Et bonjour Greg, bonjour toute l'équipe, comment ça va? Et salut Steve, d'où vient ce joli accent? Je viens de Marseille, mais j'habite à Sainte-Maxime. Ah oui, c'est le sud-est de la France, j'allais dire un prénom américain, et d'un coup derrière, bim, l'accent marseillais. Ça marche très bien, Steve, je tiens à le dire. Mes parents ont trop vu les feux de l'amour, je crois. et lui, alors que dire de ses parents? Bruce Springsteen est avec nous, salut Bruce. Oh yeah, vous le savez, salut, je suis interprète, mais je suis aussi poète. Tous les matins, je vous offre un solo en vous accompagnant au boulot. Je suis là dans la radio, oui, vous écoutez le double expresso. En compagnie de Greg et Juju, je vous tire la tête du lit. En me brossenrollant les dents, je lutte contre les caries. Oh yeah. Oh là là, mais que de talent. Ah ouais, ma Juju. Bravo mon brosse. Je suis en train de relire le règlement de l'émission. Dans le règlement de l'émission, ça, il n'y a pas dans le règlement de l'émission, normalement. Bravo, brosse. Un plaisir. Steve, excusez-nous, hein, déjà, nos excuses, hein, première chose, évidemment. C'est pas grave. Et puis un iPad à gagner d'une valeur de 409€. On vous souhaite plein de bonnes choses. À vous de découvrir la chanson chantée par Brosse. On y va, Brosse. Allez, c'est jouable, Steve. Alors, Steve. Steve! Et police, ça! Mais ouais! Ouais! L'iPad, cool. Pour vous, à l'occasion donc de la sortie en salle du film Les Animaux Fantastiques, les crimes de Grindelwald. Bravo, c'est cool. Vous venez de remporter... Je suis super content. Bah, on est ravis aussi, vous venez de remporter cet iPad. Vous allez pouvoir regarder tous les sites de chaussures, vous qui êtes fan de chaussures, je viens de le voir sur votre fiche. Vous allez pouvoir aller sur Internet, vous acheter tout ce que vous voulez, évidemment. Wow, c'est très cool, c'est très cool. Allez sur le site. Après, nous, on paye pas les chaussures. Ah oui. Nous, on paye le site. On vous embrasse. Et une seule question pour vous, Steve. Merci beaucoup, merci. Qu'est-ce qu'on vous sert sur RTL2? Un double expresso gringo. Every breath you take dans le double expresso RTL de 6h54. L'actualité revue et corrigée par Jonathan O'Donnell dans le double expresso RTL 2. Alors ça enchaîne hein, les personnalités dans cette émission après le grand Bruce Springsteen. Voici le grand Jonathan O'Donnell. Bonjour Jonathan. Bonjour tout le monde, comment ça va? Ça va bien. T'as pas de poème mais tu revisites l'actu. Exactement, et je vous emmène au Japon. Mon voyage, hein, un client de McDonald's a découvert trois bouts de dents dans la saucisse de son McMuffin. Oh. Arrête. Ouais, on sait maintenant ce que fait la petite souris quand elle récupère les dents des enfants. Je fais des sandwichs. Oh, c'est dégueu. Allez. Oh, ça fait cœur. On file à Tahiti. Les pompiers de Pirae, près de Papeete, ont secouru un parapentiste qui était suspendu dans un arbre à 20 mètres du sol.

Ne te découvre pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Ne te découvre pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Aussi, ta marinière. Grégory Achère et Justine Salmon. Bon réveil avec le double expresso RTL2. Aussi qui sera avec nous début décembre. Bonjour, bon réveil, bienvenue en ce 13 novembre, 7h06. Bonjour à tous, on est en pleine forme aujourd'hui. Et alors Justine, tu tenais absolument à me parler si, de cette news concernant le Delirium Café, c'est ça? Mais ça va intéresser tous nos amis du Nord, puisque sachez que le plus grand bar à bière de France va s'installer à Lille. Ah, voilà. Et puis bon petit-déj, évidemment. Bah oui. Il y aura 45 références de bière, plus de 600 bouteilles au cœur de la ville. Donc voilà, c'est pour de la dégustation. Bien sûr, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, je le répète. Voilà, avec modération. Hein. Max qui est lillois, on va peut-être t'envoyer là-bas. Ouais, envoyez-moi là-bas, je ferai des vidéos et puis j'essaierai tous les breuvages. Pourquoi pas. On prendra celle de début de soirée. Attendez, Justine, fais pas cette tête, t'as le droit d'y aller avec Max aussi. Ouais. Sinon, super, merci. Et on mettra tout en note de frais. Oui, forcément. Patron, nous écoute avec plaisir. L'info expresso sera là, l'horoscope, la chanson du jour et puis la banque RTL2. On gagne jusqu'à combien sur RTL2? 10 000 euros! I could stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping. While you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet. Moment forever, every moment spent with you.

7h à 9h sur RTL2. The second someone mentioned you were all alone, I could feel the trouble coursing through your veins. Now I know it's got a hold. Just a phone call left unanswered had me sparking now. These cigarettes won't stop me wondering where you are. Don't let go, keep a hold. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel like grace, 'cause we've all made mistakes. If you've lost your way, yeah, I'll leave the light on. What's been on your mind? Lately you've been searching for a darker place to hide. That's alright. But if you carry on abusing, you'll be robbed from us. I refuse to lose another friend to drugs. Just come home, don't let go. If you look into the distance, there's a house upon the hill, guiding like a lighthouse. It's a place where you'll be safe to feel our grace, 'cause we've all made mistakes. If you've lost your way, I'll leave the light on. Tom Walker, Leave a Light On. L'Info Expresso RTL 2. 7h20. L'Info Expresso tous les jours, 6h20, 7h20, 8h20. On fouille la presse et le web pour vous. J'ai trouvé de quoi passer une nuit de rêve. Ah, j'aime bien l'idée. Ah. Ça s'inscrit sur passeunuetgregouche.com. C'est bon. Ah. T'emballes pas, va. Non, c'est pas tout à fait ça. En fait, c'est sur madnuitauciné.com qui va vous proposer de réaliser un petit fantasme, dormir en plein milieu d'un cinéma. Ah oui. Alors, c'est quand même 590€ la nuit. Wow. C'est pas donné. Ouais, non, c'est cher. Mais ouais, ouais. Pour ce prix-là, vous avez quand même de quoi vous amuser. Enfin, si je peux me permettre. Alors, vas-y. Un couple pourra passer la nuit seul dans un cinéma meublé d'un lit king size, donc 160 cm, et d'une salle de bain attenante. Donc, dans la salle de ciné, il y a le lit et la salle de bain. Au programme, entre 10 et 14 films à l'affiche du box-office. Et quand même, champagne, popcorn, projection en 4K avec télécommande. Et pour couronner le tout, l'expérience se poursuivra le lendemain avec un petit déjeuner fourni pour commencer la journée du bon pied. C'est rigolo. Sympa. Pas comme mal. Délire. Alors évidemment, c'est pas donné, d'accord, mais sauf que c'est le prix de l'exception. Est-ce voilà. que tu sais si on peut choisir les films ou pas du tout? Ils te proposent un catalogue de 14 films. Sympa. Donc tu choisis entre tous les films qu'ils te proposent. Bon, t'en as pas 3000, mais t'en as quand même 14, ceux qui sont en ce moment à l'affiche. Sinon, il y a deux autres lieux insolites si vous voulez pas dormir dans un cinéma. Vous savez pas piloter un avion? Non, pas tout de suite. Beaucoup trop d'études. Mais vous l'avez déjà pris. Oui, oui. Bon, et ben là, je vous propose de dormir dans un splendide 747 aménagé pour accueillir des hôtes à l'aéroport de Stockholm. Voilà, il a été transformé en suite panoramique, des lits réglables, télé, wifi, salle de bain. Et puis sinon, du côté d'Annecy, vous pouvez passer une nuit suspendue dans le vide, 500 mètres au-dessus du lac d'Annecy. Waouh. En haut d'une falaise. Je sais pas si vous imaginez la chose. Randonnée de 3 heures, 200 mètres de descente en rappel. et tout ça pendant la nuit. Un faut être sportif. Voilà, c'est plutôt étonnant. Et pour les vrais aventuriers, vous pouvez passer la nuit dans ma Fiat Punto, si vous voulez. Voilà. Je vous fais un bon prix. C'est très spécial. Hein. Appuie tête réglable. Voici Queen sur RTL2. In these days of cool reflection, you come to me, and everything seems alright. In these days of cold affection, you sit by me, everything's fine. This could be heaven for everyone. This world could be fair. This world could be fun. This could be heaven for everyone. This world could be free. This world could be one. This world of cool deception, just your smile can smooth my ride. These troubled days of cruel rejection, you come to me, soothe my troubled mind. Yeah, this could be heaven for everyone. This world could be fair. This world could be fun. This should be love for everyone. This world should be free. This world could be Everyone. Je veux tout de suite mettre fin à la polémique. Mais tout de suite, parce que je vois que là, ça s'embrasse, ça s'enflamme sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de l'émission. J'ai dit king size pour un lit 160, autant pour moi. Ah oui. C'est 180. Ça s'enflamme, vous voulez que je sois très sincère, il a eu deux messages. Hein. Ouais, mais bon. Ça va. Je préfère répondre à nos auditeurs, tu vois. Puis il y en a 1, 2 ou 10 000. Je veux pas tout de suite. Je ne veux pas créer de polémique. Voilà, tu vois, je veux faire les choses bien. L'horoscope de ce mardi matin, médaille de bronze, Justine, les Capricornes. Ne laissez pas la fatigue vous abattre. Les Verseaux. Vous ne vous êtes pas levé du bon pied ce matin, simplement. Voilà, les Poissons. Attention à ne pas être trop paresseux. Médaille d'argent avec les Béliers. Votre sens de l'humour en séduit plus d'un. Les Taureaux. En ce moment, tout va comme sur des roulettes chez vous. Profitez. Les Gémeaux. Vous avez de très bonnes idées, il faut les mettre à exécution. Cancer. Votre journée sera rythmée par de bonnes nouvelles. Les Lions. Vous faites beaucoup d'efforts et votre entourage le remarque. Vierge. Aujourd'hui, tout vous sourit, vous allez passer une belle journée. Les Scorpions. Vous êtes très efficace au travail, il faut continuer sur cette lancée. Sagittaire. Un proche vous fera une très belle déclaration aujourd'hui. Et la médaille d'or du jour, c'est pour ? Pour les Balances, la vie est belle et vous en profitez comme il se doit. Calogero. J'ai le droit de vivre. J'ai le droit aussi, il y aura ma chanson du jour. Et puis 10 000 euros à gagner, notamment au 3228 ou banque au 74-900. On joue ensemble à 7h45 sur RTL2. Écoutez RTL2, we are good news. À l'occasion de la sortie de leur nouvel album Simulation Theory. Écoutez RTL2 et partez à Londres pour le concert de Muse. À tout moment sur RTL2. We love RTL2, the pop rock radio. Monoprix, tu sais que t'aimes les anniversaires quand tu vas à toutes les fêtes, même à celles des gens que tu ne connais pas. Et tu sais que t'aimes encore plus les anniversaires quand t'en as un chez Monoprix et que tu campes devant le magasin pour être le premier à fêter ça. Youpi ! L'anniversaire de Monoprix, c'est parti. Profitez de la promotion exceptionnelle. Pour une boîte de 36 doses de lessive Ariel 3 en 1 Pods Original, la deuxième est offerte jusqu'au 19 novembre. Monoprix, voir conditions de l'offre en magasin et sur monoprix.fr. Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi. Roulez en Peugeot maintenant. Commencez à payer en 2019. Si vous avez hâte de partir à l'aventure avec le SUV Peugeot 2008, et si vous êtes impatient de sortir des sentiers battus avec son grip control, alors n'attendez pas l'année prochaine. Rendez-vous chez Peugeot. En ce moment, bénéficiez des deux premiers loyers offerts